Thèse 2, compréhension auditive. Phase 1, regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Mireille n'a pas l'air contente. 2. Marie-Laure va essayer son nouveau bateau. 3. Robert va aller chez les Courtois demain. 4. Marie-Laure vient chercher Mireille parce que son bateau est en panne. 5. Le bateau est revenu près du bord. 6. Robert arrange les ficelles qui sont toutes emmêlées. 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé que vous entendez sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Marie-Laure vient chercher Mireille parce que son bateau est en panne. B. Mireille n'a pas l'air contente. C. Robert arrange les ficelles qui sont toutes emmêlées. D. Marie-Laure va essayer son nouveau bateau. E. Le bateau est revenu près du bord. F. Robert va aller chez les Courtois demain.